Andale, andale. Andale, andale. Quand on m'a dit mon frère, dans la vie, un jour tu perds, un jour tu ris, j'ai répondu tu sais. Mais mon ami, tant que je chante, je souris, j'évolue dans un monde où je me dis que si je tombe, je grandis, je ne connais pas la honte. Là où je vis, tu te relèves et tu rebondis. On vivra nos rêves d'enfant, souris-moi juste un instant. Andale, andale, tant qu'on pourra chanter. Andale, andale, t'en fais pas. Andale, andale, tant qu'on pourra danser. Andale, andale, t'en fais pas. On va sa vie avant la coupe à moitié pleine, à s'inventer des problèmes, à demander si le jeu en vaut la chandelle, à oublier l'essentiel. Pardonnez-moi si je n'écoute pas, si je suis comme ça, sans commentaire. M'en voulez pas, mais j'en ai rien à faire. On vivra nos rêves d'enfant, souris-moi juste un instant. Andale, andale, tant qu'on pourra chanter. Andale, andale, t'en fais pas. Andale, andale. Andale, andale.